Bienvenue à ce journal. La mise en œuvre d'État se répare. Rick Wimana, d'abord les titres. Le monde a célébré la fête du sacrifice Idel Hajj ce 28 juin 2023. Le secrétaire général au sein de la COMIBU, communauté musulmane du Burundi, appelle les musulmans burundais à partager avec les autres, notamment les personnes à faible revenu. Un policier et locataire du cachot du commissariat communal de la police à Matana depuis le soir de ce mardi. Il est accusé d'avoir blessé grièvement le jour même un militaire dans un bistrot au marché de Matana. Et plus de 55% des enfants souffrent de la malnutrition chronique, constat du secrétaire exécutif permanent de la plateforme multisectorielle de renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition ce mardi lors d'un atelier de mise en place du réseau des journalistes opérant dans ce domaine. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Certains musulmans de la province Kayanza disent qu'ils célèbrent la fête d'Id el-Adha au moment où le prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité comme le riz a monté sur le marché. Cheikh Kouzelimana Idi, qui a dirigé la prière, a appelé des musulmans qui ont eu à mettre sous la dent à partager à ceux qui n'en ont pas, ce qui crée une bonne cohabitation avec d'autres dans la communauté. Le détail avec Patrick Saint-Guillaume. La fête des musulmans dite Eid el-Adha en langue arabe a été célébrée au centre urbain de Kayanza, au terrain de basketball en ville de Kayanza. La prière a été dirigée par Cheikh Kouzelimana Idi, qui, après avoir rappelé aux musulmans la genèse de cette fête, a interpellé tous les musulmans de s'aimer les uns des autres, sans oublier qu'ils doivent également cohabiter pacifiquement avec les croyants d'autres sectes. Certains des musulmans contactés à Kayanza disent qu'ils célèbrent la fête dans des conditions de vie qui ne sont pas favorables à cause de la flambée des prix des denrées alimentaires comme le riz. Ils disent qu'aujourd'hui, par exemple, le prix d'un kilo de riz varie entre 3 000 et 3 800 francs. Pourtant, ils font savoir qu'ils sont prêts à partager le peu qu'ils vont en avoir. C'est d'ailleurs l'appel l'air lancé par Cheikh Kouzelimana Idi, qui a dirigé la prière, de même que Masisi Zoubel, le représentant des musulmans en province Kayanza. Cela demande d'ailleurs à chaque musulman d'adopter un comportement digne d'un bon musulman à l'occasion de la célébration de cette fête d'Eid el-Adha. Depuis Kayanza, Patrick Nsengumba pour la radio Isanganilo. De Kayanza, rendons-nous à Gitega où le représentant provincial de la communauté musulmane demande aux musulmans de promouvoir les travaux de développement et de renforcer l'unité et l'amour entre les gens. C'était lors de la célébration de la fête de Mouton. À cette occasion, un imam qui a dirigé la prière de circonstances a prôné pour la patience et la retenue les détails avec Gélan Ebikit. Le représentant provincial de la communauté musulmane à Gitega, Minane Dismas Alzad, dit que la fête de Mouto est une fête très importante dans la vie de tout musulman, raison pour laquelle c'est le moment d'appliquer certains commandements et recommandations de Dieu, dont l'amour, ce qui fait que les musulmans doivent manifester un amour entre eux et un amour avec les non-musulmans, ce qui se concrétise d'ailleurs par le partage avec le voisin musulman et non-musulman ce jour. Il appelle aussi le musulman à s'atteler aux travaux de développement de la communauté musulmane et du pays. De son côté, Cheikh Touah Abdul Kalim, qui a dirigé la prière du jour, a exhorté le musulman à user de la patience et de la retenue, ceci pour d'abord appliquer le commandement de Dieu et ensuite résister contre la vie dure. Il a insisté sur le fait que le monde est caractérisé par d'innombrables problèmes liés essentiellement aux maladies et à la pauvreté, aux complications de la vie, tout en signalant que chaque personne a ses propres problèmes qui sont différents de ceux des autres. 270 moutons, 38 vaches et 97 chèvres ont été collectés par le musulman de la ville de Gitega pour être abattus, sans oublier les bêtes abattues individuellement. Depuis Gitega, Jean Bigila pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira, en mairie de Bujumbura, Mauricio Ramadan, secrétaire général au sein de la communauté islamique du Burundi, COMIBU, a invité les musulmans à partager avec les autres, notamment les personnes à faibles ressources. Suivez-le. La signification est très simple, c'est la fête des moutons. Mais comme elle est appelée fête de moutons, c'est-à-dire que c'est une journée de sacrifice, là où le prophète Abraham voulait sacrifier son fils unique appelé Ismaïl, mais juste après, Dieu, avec l'ange Gabriel, fait descendre les moutons et il a remplacé le fils unique qui est Ismaïl pour les moutons. C'est pourquoi vous trouverez que c'est une fête des moutons pour tout le monde. Heureusement qu'on l'appelle fête de moutons à cause de cet acte que je viens de citer si haut. Je viens de citer que c'était question de remplacer le prophète Ismaïl, bien sûr, il est prophète aussi avec les moutons. C'est pourquoi alors il est appelé fête de moutons pour la journée d'aujourd'hui. Le message que je peux lancer au monde musulman, ce n'est pas seulement ceux qui sont au Burundi, mais ceux qui vont nous entendre partout au monde. C'est une fête de partage. Nous devrons partager ensemble avec les autres. C'est une fête là où nous devrons abattre les chèvres, les moutons et les vaches. Les viandes que nous devrons avoir, c'est question de les dispatcher avec nos frères. Ils sont appelés nos frères, même si nous n'avons pas la même foi. Ils sont appelés nos frères, c'est question seulement de partager avec eux. Le partage ne sera pas équitable, comme vous venez de dire. Il y a ceux qui sont privilégiés. Il y a les orphelins, il y a des veufs, il y a des veuves aussi. Ce sont eux qui sont les premières nécessités. La radio de l'avenir. Cap sur Bururi pour parler de la page justice. Un policier locataire du cachot du commissariat communal de la police à Matana, depuis le soir de ce mardi, il est accusé d'avoir blessé grièvement le jour même un militaire dans un bistrot au marché de Matana. Selon les sources sur place, ce policier avait été alerté par le propriétaire de ce bistrot car la victime venait de refuser de payer la facture des boissons qu'il avait consommées. Le commissaire provincial de la police à Bururi fait savoir que ce policier s'est mal conduit et sera puni conformément à la loi, n'est-ce pas, Zenon Zamuman? C'est un caporal de police œuvrant au commissariat provincial de Bururi qui est dans les mains de la police à Matana depuis le soir de ce mardi, après avoir blessé grièvement au niveau de l'œil droit un adjudant-major œuvrant à l'école des sous-officiers de Bururi à l'aide de sa ceinture, selon les sources policières. La victime était en tenue civile au moment où le présumé auteur était en tenue policière, selon les sources sur place. La cause serait les boissons consommées dans un bistrot situé au marché de Matana par la victime, mais des boissons qu'il a refusé de payer. Ainsi, ce policier a pu intervenir alerté par le propriétaire de ce bistrot, selon les sources policières à Matana. Colonel de police Managawa Dieudonné, commissaire provincial de la police à Bururi, fait savoir que ce policier s'est méconduit dans son travail, raison pour laquelle il est actuellement dans les mains de la police pour qu'il soit traduit en justice et puni conformément à la loi. Il ajoute qu'ils attendent aussi que la victime hospitalisée à l'hôpital de Matana se remette pour qu'il puisse lui aussi déposer ses plaintes. Dieudonné Nkunzimana, l'administrateur de la commune de Matana, appelle la population à saisir toujours la justice en cas de conflit. Dopi Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Page santé à présent, plus de 55% des enfants souffrent de la malnutrition chronique. Constat du secrétaire exécutif et permanent de la plateforme multisectorielle de renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition ce mardi lors d'un atelier de mise en place du réseau des journalistes opérant dans ce domaine. Docteur Célestin Siwomana justifie la mise en place du dit réseau par la nécessité de sa contribution dans la sensibilisation de la population sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Suivez-le. Si je prends par exemple la malnutrition aiguë, ce que nous appelons communément les kwashi et le marasme ou l'émaciation, les chiffres ne sont pas très élevés, nous sommes autour de 4 et 5%. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le retard de croissance, c'est-à-dire la taille par rapport à l'âge. Cette insuffisance de croissance physique s'accompagne d'une insuffisance de croissance intellectuelle. Ce sont des enfants qui vont fréquenter mal l'école, qui ne vont pas aller loin dans la formation et qui seront moins productifs à l'âge adulte. Et donc, qui ne seront pas des acteurs clés du développement socio-économique. Donc, ne pas nourrir correctement l'enfant, c'est hypothéquer l'avenir de cet enfant, de sa famille et finalement hypothéquer le développement socio-économique. Nous le disons toujours, aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a une relation bidirectionnelle entre la nutrition et le développement. Donc la question de nutrition et de sécurité alimentaire aujourd'hui, c'est une question de développement socio-économique. Il y a évidemment ce que j'ai appelé la malnutrition aiguë, qui est visible à l'œil nu, mais il y a aussi les urgences silencieuses, comme le retard de croissance physique, et intellectuelle, qui est dit évidemment à un manque de nutriments suffisants. Il y a les fins cachées, les carences en micronutriments. Tout cela n'est pas visible à l'œil nu et nous devons donc travailler de concert. Page Société à présent, certains habitants de la sous-colline Vicha, colline Mugutu, dans la zone Gitega rurale, disent qu'il y a encore ceux qui n'ont pas de logement décent ainsi que des terres à cultiver. Ils disent cela au moment où il y a une veuve qui a 4 enfants dont la maison a été réhabilitée sur cette colline. Les administratifs à cette colline demandent qu'il y ait un programme de leur donner même des terrains à cultiver. Les détails avec Arthur Kavabouchi. Sur cette colline Mugutu, sous colline Bicha, dans la zone Gitega rurale, il y a encore des vulnérables à logement indécent et qui n'ont pas de terre à cultiver, comme le dit cette femme. Les vulnérables existent qui n'ont rien, y compris un terrain à cultiver et même un logement. Si nous trouvons du travail dans les champs, nous les invitons à venir pour avoir de quoi vivre. Une veuve parmi ces vulnérables et qui a 4 enfants et dont la maison vient d'être réhabilitée explique que durant la période des pluies, elle avait logé ses enfants chez les voisins. Quand la pluie tombe, c'est dans la maison et à l'extérieur. J'ai dû demander un logement dans mes enfants chez les voisins, mais leurs cahiers ont été endommagés par la pluie. Les voisins de ces vulnérables indiquent que même s'ils voulaient aider, les moyens manquent. Nous aimerions compatir, mais nous n'avons pas de moyens. Il y a même une vieille dame dont la maison tend à s'écrouler et qui vit avec 2 enfants. Monique Ndouimana, élue sur cette colline, demande aux bienfaiteurs de songer à leur trouver des terrains pour cultiver. Nous voulons que les bienfaiteurs regardent ceux qui n'ont aucun terrain pour cultiver, ceux qui n'ont aucun terrain à cultiver pour leur donner des terrains. Sans cela, le vol dans les champs va augmenter. Ces élus collinaires indiquent qu'ils continuent à sensibiliser la population à mettre ensemble les terres pour cultiver, même s'il y en a ceux qui ne l'ont pas encore compris. Depuis Gitega, Arthur Kavabouchi, Radio Sanganiro. Merci à Arthur Kavabouchi pour ce reportage. L'équipe nationale de moins de 18 ans de handball est prête à représenter le Burundi dans la Coupe du monde de handball qui se déroulera en Croatie le mois d'août 2023. Cela a été dit ce mercredi par le président de la Fédération burundaise de handball lors d'une conférence de presse qu'il a animée pour mobiliser les fonds de cette compétition. Dauphin Nicobamnye est au micro de Jean-Marie Vianney Nakuman. Pour l'équipe nationale, je tiens à vous informer que ça fait des mois qu'on est en train de préparer l'équipe nationale. Et nous avons eu une équipe qui nous a promis d'héberger l'équipe pendant tout un mois. Et je tiens à le remercier. Ils seront hébergés à l'hôtel Nanabi. Je pense que de là, ils pourront avoir des conditions nécessaires, mieux se préparer pour les Jeux mondiaux auxquels nous allons participer en Croatie. Voilà en détail là où nous en sommes pour les préparatifs de l'équipe nationale. Les sponsors que nous avons jusqu'à aujourd'hui, je voudrais d'abord prendre ce moment pour les remercier. Et je voulais aussi interpeller ceux qui nous ont fait des promesses qu'ils puissent emboîter le pas et pour nous donner ce coup de poing afin de mieux organiser. C'est pour cela que nous avons ouvert des comptes à BCAB, il y a BBCI, il y a BGF. Ce sont des banques qui ont des agences partout. Nous allons mettre des codes marchands pour ceux qui peuvent faire des transferts à partir de Remicash ou EcoCash. Et voilà, pour que ces numéros puissent être connus partout. Oui, on y est pensé parce que même au mois de juillet, exactement le 9 juillet, nous étions au Rwanda il y a 2 mois. Il fait des matchs amicaux. Au passage, en allant en Croatie, nous sommes en train de chercher des matchs amicaux en Allemagne et en Belgique. Parle, rassure-moi. Les chanteurs sont parmi les personnes les plus suivies sur différentes plateformes de façon à être des influenceurs ou de leaders d'opinion. si leurs chansons contiennent de messages haineux, de camps d'opinion diverses peuvent s'attaquer. Des explications d'un journaliste et producteur d'émissions relatives à la musique. Christian Savier appelle les artistes à se faire lire dans le but d'améliorer les textes avant d'entrer dans les studios. Les détails avec Mireille Kanyang. Un artiste musicien est l'un des influenceurs beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Les récepteurs de ces messages peuvent changer, soit l'accoutrement ou autre, selon Christian Savier, journaliste et producteur d'émissions musicales. C'est un artiste vedette, star, qui a toute une audience, qui le suit du jour au jour, qui suit des messages véhiculés à travers sa musique ou des messages véhiculés à travers ses clips vidéo. Ou encore dans tout ce qu'il fait, que ce soit la vie de courante, il y a beaucoup de canaux de diffusion, surtout dans les réseaux sociaux, soit des Instagram, qui font une sorte de zoom sur ces influenceurs. Même dans la vie courante, on peut savoir votre star, votre vedette, ce qu'il est en train de vivre du jour au lendemain. Une fois que le contenu véhicule des messages haineux, l'artiste voit son audience chuter. Des fois, c'est suite à la manipulation, indique Christian Savier. Si l'artiste oserait sortir des messages de haine, je crois qu'il ne vivrait pas très longtemps. C'est juste séduire un petit public peut-être qui peut épouser ses idées. Mais vous savez, avec le temps, les choses évoluent. Ça peut se faire que tous ces gens qui l'a influencé peuvent passer de l'autre côté, de l'autre camp. Souvent, quand un artiste sort ce message de haine, c'est quand il a été manipulé par les décideurs, surtout les politiciens, soit des politiciens qui gouvernent et d'autres qui sont à l'opposition. Donc il est influencé, des fois il peut déraper et utiliser des messages qui ne sont pas bon à écouter. Il appelle les chanteurs à se faire lire avant d'entrer dans les studios pour minimiser les erreurs ou les messages haineux. La période 70-80, avant d'aller même entrer dans le studio, chaque artiste devait amener son texte pour que les autres l'améliorent sur plusieurs facettes, le contenu, la forme et le fond. Améliorer la qualité du texte de par ses amis qui sont dans différents clubs. Alors, actuellement, ça ne se passe plus. L'artiste est libre, il prend son message, sa musique, il arrive au studio, il enregistre. Il peut le faire sciemment ou le faire inconsciemment, ce qui est dangereux. Christian Savier affirme qu'il n'y a pas encore de message haineux au Burundi, mais plutôt de la musique engagée que certains interprètent à la fin. Merci à Mireille Kanyang. Et le programme d'autonomisation économique et d'emploi pour les jeunes PAEG va bientôt mettre en place une plateforme de formation entrepreneuriale en ligne pour compléter les formations des diplômés. Présentant le bilan annuel lors d'une conférence de presse ce mercredi, Désiré Manirakiza, coordinateur de ce programme, estime que cette plateforme dénommée PAEG Academy facilitera un bon nombre de jeunes à se créer d'emplois pour leur bon avenir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rick Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikubanyanga. Les émissions continuent sur la radio Isanganiso.